Univers hardcore. Mon big pleure de la pile. Je représente Sergi. Forêt Al. Vas-y, viens faire un tour, les frères. Vous chargez de t'expliquer. Tellement quoi, tu vois ce que je fais. J'écris mes textes à l'opinel. C'est pour mes arabes, mes blacks et mes toubabs. Rap cru. Je représente l'arme du crime.